décrit ses trônes, nous voyons la richesse. Quand on parle de la gloire, il y a non seulement la splendeur, mais il y a aussi la richesse. C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu, c'est le roi de gloire. La gloire implique l'éclat, la majesté, la richesse, la prospérité. Quand nous voyons la manière dont Jean décrit le trône de Dieu, nous voyons qu'il y a des pierres précieuses. Vous voyez, il est dit ici, au verset 3, celui qui est assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est le symbole de la fidélité de Dieu à son alliance, aux promesses. La troisième vérité, la Bible nous montre que autour du trône de Dieu, il y a d'autres petits trônes. Ces trônes sont réservés aux 24 vieillards qui sont comme le prémisse des représentants de rachetés de Dieu. Vous voyez, il est dit ici au verset 4, « Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. » Ceci nous montre que nous, les chrétiens, nous les rachetés de Dieu, nous serons assis également sur le trône où nous allons régner avec Christ. Alléluia. Quelle grâce. Assis sur le trône. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Ici, le couronne des 24 vieillards symbolise le récompense. Oui, du point de vue eschatologique, nous comprenons que nous serons récompensés, nous aurons des trônes de gloire dont nous serons revêtus. C'est pourquoi nous devons être encouragés. Même si nous traversons des difficultés maintenant sur la terre, nous devons savoir que le temps viendra où nous serons récompensés, où nous allons régner avec Christ. Quatrième vérité. C'est le ministère des anges qui sont autour du trône. Quand nous voyons les quatre êtres vivants qui sont les anges parce qu'ils ressemblent aux chérubins avec des ailes, nous voyons que ce sont des êtres qui sont là pour adorer le Seigneur nuit et jour. Vous voyez, il est dit ici au verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être conscients de la réalité des anges. Les anges sont des créatures divines. Nous voyons ici, ce ne sont pas les anges qui sont adorés, mais les anges adorent celui qui est assis sur le trône. Ça nous montre que nous ne devons pas adorer les anges. Les anges font partie des créatures divines et ils sont là pour adorer celui qui les a créés. Ils contemplent la sainteté divine, ils contemplent sa majesté. Ça nous montre l'importance de l'adoration. L'adoration est au cœur même de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous touchons son cœur. Parce que les anges ne font que ce travail-là, de l'adorer jour et nuit. Et la cinquième vérité, c'est que l'adoration des anges devrait inspirer notre adoration. Vous voyez, il y a une symbiose, une harmonie entre l'adoration des quatre êtres vivants et l'adoration des 24 vieillards qui sont comme le représentant des rachetés. Il est dit ici, au verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes tes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous voyez, c'est-à-dire, l'adoration de quatre êtres vivants inspire ou influence l'adoration des 24 vieillards. Ça nous montre que nous, en tant que chrétiens, nous devons être des vrais adorateurs de l'Éternel. Regarde, l'adoration implique une attitude d'humilité. Vous voyez ici, on dit, il se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. nous nous prosternons, c'est-à-dire nous reconnaissons que nous sommes rien devant ce Dieu-là. Quand tu te prosternes, tu montres que Dieu est élevé. Nous ne devons pas nous prosterner devant les humains, mais c'est seul Dieu qui est digne d'adoration et de louange. Et on dit que ils jettent leur couronne. C'est le symbole de l'humilité. Quand nous sommes devant Dieu, tout ce que nous pouvons avoir comme couronne humaine, titre, directeur, directeur général, président de la République, ministre, commandant, ambassadeur, nous devons jeter devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, nous nous dépouillons de cela. Nous reconnaissons que seul Dieu, il est digne de louange. Il est au-dessus de toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux de faire partie de ceux-là qui ont compris cette révélation, qui ont compris qu'ils sont là pour adorer celui qui est assis sur son trône et qui vit au siècle des siècles. Nous, nous faisons partie de ceux-là, des vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Je voudrais que ce matin, nous puissions déjà pratiquer cette adoration, que nous puissions l'adorer en chantant ces cantiques dans une attitude de contemplation. Louange à l'agneau, à l'agneau. Alléluia. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix, parle au Dieu. Adore-le, proclame-le, contemple-le. Il est assis sur son trône. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons en acronyme OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant des Saintes Écritures et aujourd'hui c'est Apocalypse 4, 1 à 11 qui inspire nos prières. Vous pouvez toujours réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir 5 vérités importantes sur l'ambiance du trône de Dieu. Notre Dieu est assis sur son trône, qui est un trône de gloire. Il est le Dieu souverain. Oh, je voudrais que nous puissions prier. Peut-être que vous connaissez des moments difficiles, vous traversez des difficultés pour lesquelles vous commencez même à douter de Dieu. Oui, je voudrais que chacun puisse dire merci, pour dire Seigneur, quel que soit ce que je vis, je peux connaître les déceptions, je peux connaître les tribulations, mais je sais que tu es au contrôle parce que tu es assis sur ton trône. Tu vois tout, tu es le souverain. Tu es capable de décanter ma situation. Au nom de Jésus, élève ta voix. Très excellent Père, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ce matin. Je dis, mon œuvre est pour toi, ô roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es plus beau que tout ce que l'on peut dire, que tout ce que l'on peut imaginer. Ta grâce nous soutient chaque jour et ton amour n'a aucune limite. Ce matin, ô Père éternel, j'exprime ma reconnaissance pour tous tes bienfaits. J'exprime ma reconnaissance et ma joie pour le privilège d'être enfant de Dieu. Tu m'as donné la vie, le mouvement et l'être. C'est pourquoi je proclame ton saint nom chaque jour avec joie et reconnaissance. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, quels que soient les défis qui nous environnent, nous reconnaissons que tu es roi et que ton fils Jésus-Christ est Seigneur. Père éternel, fortifie-nous chaque jour dans nos défis, dans nos abattements, dans nos découragements. Fortifie-nous parce que c'est toi qui relèves notre tête, parce que c'est toi qui nous soutiens par ta droite puissante, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions et nous te disons merci parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Tu réalises des grandes choses dans notre vie. Quelle grâce, quelle joie, quel privilège d'être enfant de Dieu. C'est une joie ce matin de reconnaître tous tes hauts faits. Merci Père éternel pour ta grandeur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous voyons dans ce passage qu'autour du trône, il y a d'autres trônes sur lesquels sont assis les 24 vieillards qui sont les représentants de rachetés de l'Éternel. Ceci nous rappelle que nous, en tant que rachetés, nous allons régner avec Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous régnerons avec Jésus. Oui, si nous régnerons avec Christ, oui, même sur la terre ici, nous pouvons déjà commencer à régner en exerçant l'autorité sur les puissants des ténèbres. Nous sommes appelés à régner. Tu vas prier maintenant pour déclarer que tu règnes, tu domines sur les puissances sataniques, tu domines sur la maladie, tu les domines sur les esprits méchants, tu domines sur toutes les forces de l'ennemi, tu domines sur les péchés parce que tu es appelé à régner avec celui qui est assis sur son trône. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce nous avons auprès de toi, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, le véritable Dieu, le transcendant, immanent, immuable. Seigneur, merci parce que tu nous as créés et tu nous as rachetés à un grand prix. Tu nous appelles à régner, oui, à régner avec toi, avec Jésus-Christ. Gloire à toi, à briser le pouvoir du diable, à marcher sur les œuvres de Satan, à les livrer en spectacle. Notre Dieu, notre Père, c'est à cela que tu nous appelles. Aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle, à nous dresser contre les plans machiavéliques du diable, à nous opposer, à faire des incursions dans son camp. Tu nous appelles à dominer, à renverser, à détruire, à briser, à proclamer ta gloire. Merci pour ce privilège. Louange à toi. Que la honte, que la peur, que la crainte se loigne de nos vies, Seigneur. Sois béni ce matin pour cette grâce, cette faveur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir comment le ministère des anges devrait influencer notre adoration. Nous sommes des adorateurs. Que chacun prie en disant, Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Fais de moi quelqu'un qui peut toucher ton cœur. Celui qui t'adore en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Tu es le pain de vie. Tu es la parole. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu veux que chacun de nous t'adore en esprit et en vérité. Car tu l'as dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible dit, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Tu veux que de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force, nous te soyons soumis et t'adorons comme les anges, jour et nuit. Que notre vie soit dédiée à toi. Que nos cœurs, notre esprit, que nos gestes et paroles soient pour ta gloire, t'adore. Père, ce matin, je prie que tu nous rappelles cette vertu de t'adorer en tout temps et en tout lieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous entreprenons, que l'adoration soit au milieu de toutes ces choses. Merci de nous aider encore à aller plus loin, à passer du temps dans ta présence, en t'adorant, en te louant. Père, ce matin, je prie qu'au travers de nous, tu mets des cantiques spirituels, tu mets au Dieu des paroles spirituelles pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, parce que tu en es digne. Toi, le Seigneur et Sauveur, toi qui nous délivres, toi qui nous guéris. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre grand rendez-vous de ce week-end, le vendredi 29 janvier 2016. Nous aurons notre dîner bonheur conjugal. Le couple marié comme les célibataires peuvent venir. Nous serons à l'hôtel Bellecote à partir de 18h30 et à 21h, nous allons terminer. Thème, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Nous aurons notre sœur, la chanteuse Maïka Mukeba, qui va nous transporter dans un moment d'adoration pour toucher justement le trône de Dieu. Les tickets sont déjà en vente. Si tu n'as pas encore ton ticket, viens l'acheter à la réception de la radio Fréquence Vie. 20 000 francs par personne, 30 000 francs par couple. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.